la lune et les étoiles au dernier jour s'éteindront. Les anges sonneront l'alarme pour assembler les nations. Lors de tous les cimetières surgiront les trépassés, les ancêtres de nos pères et les gloires du passé. Les ancêtres de nos pères et les gloires du passé. Dans la foule des patriarches venus de la nuit des temps, le vieux Noé dans son arche étonnera petits et grands. Installé sur son échelle, Jacob jugera de bien haut le célèbre Diogène voyageant dans son tonneau. Le célèbre Diogène voyageant dans son tonneau. Dans leurs savants emballages, les momies des musées quitteront leur sarcophage pour une autre éternité. Archimède dans sa baignoire débordera d'émotion devant les marins notoires et les champions de natation. Devant les marins notoires et les champions de natation. Les amoureux de l'histoire pourront à nouveau s'aimer, et Antoine et Cléopâtre se retrouveront les années. En des amours immortels, ils rediront leur espoir en écoutant d'une oreille la musique de Mozart. En écoutant d'une oreille la musique de Mozart. Aux vitrines des librairies, Platon, Goethe et Mallarmé reliront l'œuvre de leur vie face à leur postérité. Charles Quint et Charlemagne visiteront à vélo le vieux champ de bataille et le lion de Waterloo. Le vieux champ de bataille et le lion de Waterloo. Velasquez et Michel-Ange de loin se reconnaîtront, et pleins d'une joie sans mélange dessineront l'homme du Cro-Magnon. Pour accomplir leur béat et nourrir les affamés, les petits scouts de l'Alaska vendront des chocolats glacés. Les petits scouts de l'Alaska vendront des chocolats glacés. Les reporters photographes guetteront le cheval Bayard et le précieux bathyscaphe du grand professeur Picard. Le bienheureux Dominique et Saint François retrouvés boiront la bénédictine pour fêter leur amitié. Boiront la bénédictine pour fêter leur amitié. Imaginez l'allégresse qui fleurira en ce jour. L'humanité en liesse s'éveillera pour toujours. Lors les élus de la terre entreront dans le pays que Dieu promit à leur père pour renaître à la vraie vie. Que Dieu promit à leur père pour renaître à la vraie vie.